donc un peu les filles. Allez, ouvrez ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de Juna Aidé le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, ici sur RIG, 90.7 sur Bordeaux et RIGFM.fr si vous l'écoutez via le net. Je suis à nouveau très heureux de vous accueillir pour cette 579e émission et ce soir nous allons faire en gros une émission live. On va revenir sur cette tournée 2000. Hier encore, ça faisait 25 ans que Johnny avait chanté sous la tour Eiffel pour ses 40 ans de carrière et ce soir on va revenir sur cette tournée car d'ici le courant juillet il y aura une ou deux émissions spéciales sur le Tour Eiffel 2000. Pour le coup, on va partir sur la tournée 2000 et pour commencer cette année 2000, Johnny Hallyday le 30 mai 2000 faisait une conférence de presse et présentait donc cette tournée 2000. Il y aura aussi quelques extraits des répétitions à Toulouse. C'était le 1er juin et le 2 juin. Pour les répétitions, on y retrouvera aussi Jean-Louis Aubert. Voici l'émission La Tournée 2000. Bonjour. Ce concert donc a lieu le 10 juin. Concert gratuit offert par Johnny au pied de la Tour Eiffel. Tenu avec ce maire de Paris, que ce soit gratuit, que ce soit une fête pour les Parisiens, pas même pour tous les Français, ceux qui veulent venir à Paris. L'idée qu'on a généralement, elle se passe en deux temps. Petit à petit, on se dit, ça vient qu'on passe pas le même concert que la dernière fois. Ça, c'est la première chose qui est primordiale. Et la deuxième, elle se fait beaucoup ensuite quand on choisit, quand Johnny, en travaillant avec moi, on regarde toutes les chansons, il y en a tellement. Ça va, comment je la chante à peu près? Ouais. Vous savez, c'est pas le fait de chanter devant autant de gens qui est excitant. C'est le fait déjà de faire un nouveau spectacle qu'on n'a pas encore fait. Deuxièmement, c'est de faire un spectacle qu'on offre aux gens là, et avec des moyens, parce que normalement c'est un spectacle payant. Ça pour moi c'est un énorme plaisir de pouvoir faire ce cadeau avec la mairie de Paris pour les Français. Non, on peut réessayer si. Oui, c'est vrai, finalement, quand je le chante à la maison, c'est mieux. Quand je chante à la maison, c'est toujours trop. Quoi, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce mais sur scène... Ok, ouais, on remet. Hein ouais. Vous savez, à une certaine limite, quand on chante devant 30 000 personnes ou 800 000 personnes, à partir des 30 000 personnes, il n'y a plus de monde. Mais on retrouve Johnny et Jean-Louis Aubert le 1er juin 2000. Donc fais gaffe au rythme. Non. T'as été trop rapide sur les mots, alors t'es arrivé ouais, trop tôt. Ouais, tout à fait. Et da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Thank you. c'est éclatant. C'est bien parce que c'est plus que tu, ouais. peux, tu peux faire. Merci, peux faire je m'éclate comme un homme. Tu peux faire la guitare, là, c'est mieux. Là. Jean-Louis Aubert qui sera là en répétition le 1er juin 2000 à Toulouse, mais est participé lors de ce concert du 2 et du 3 juin, Sonia Lassen et Lerita Mitsuko. Johnny Hallyday est en duplex de Toulouse le 2 juin 2000 et il est au micro de Jean-Pierre Foucault dans l'émission Les Années Tubes, le soir de la première date donc de cette tournée 2000. Johnny chante ce soir à Toulouse et il ne voulait pas être absent pour la dernière, pour votre dernière des Années Tubes. Johnny, bonsoir. Bonjour Jean-Pierre. Comment ça va? Alors, première question, Johnny, en te remerciant d'être avec nous. Tu étais la semaine dernière à Los Angeles. Est-ce que je peux savoir, car c'est très indiscret, ce que tu y faisais à Los Angeles? Oui, c'était pour mes répétitions des spectacles que je fais cet été. Mais c'est sans public, donc on est toujours un petit peu nerveux la première fois qu'on fait un nouveau spectacle devant le public. Mais bon, je crois que on a pas mal travaillé, on a pas mal répété. Je pense qu'on est, on va être au point, en tout cas. Est-ce qu'on peut également connaître quelques petits secrets que tu aimerais nous dévoiler pour nous dire ce que nous pourrions éventuellement voir et pour nous dire ce que toute l'équipe a concocté pour ce spectacle grandiose et unique? Le concert de la Tour Eiffel, je ne peux pas vous dévoiler grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura pas mal d'effets. Il y aura la Tour Eiffel en feu d'artifice à la fin du spectacle. Il y aura pas mal d'invités qui vont me rejoindre pour chanter avec moi. Il y aura pas mal de nouvelles chansons de l'album le 100%. Et puis, voilà, puis quelques surprises. Merci beaucoup. Et bien, au revoir à tous. Et puis, au 10 juin. Voici Johnny Hallyday à Toulouse, le 2 et 3 juin. Quatre extraits que je vous propose d'écouter ce soir. Je suis dans la rue, les larmes de gloire, pardon, l'envie. Et on poursuivra après cette tournée 2000. que j'aurais pu faire. Aller jusqu'au bout de la terre. Rester pour toi l'univers. Dis-moi ce que j'aurais. Semblant d'oublier les combats que j'aurais dû livrer quand à la tête d'une armée vers tes maléfices tu marchais. C'est l'heure de toi. Oh, la couleur de toutes les fleurs. C'est l'heure de toi. Remplis de cristal de lumière et non pas ces jours de colère. Écoutez Johnny de A à Z ici sur RIG 90.7 de la bande FM pour ce spécial tournée 2000. Nous sommes actuellement à Toulouse le 2 juin. Johnny nous interprète Pardon qui reprendra pour l'Olympia. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes. Ils n'ont jamais appris le verbe aimer, qui n'ont jamais compris la force de l'amour, la beauté.

John Hallyday à Toulouse le 2 et 3 juin. À présent, ce sont les préparatifs du méga concert de John Hallyday au pied de la Tour Eiffel. C'était le 8 juin 2000 et cet extrait que je vais vous diffuser était diffusé, lui, d'un journal ITV de Toulouse avec une interview de Jean-Claude Camus et les répétitions sur scène, sur la nouvelle scène. Moi, je suis né dans la rue. De semi-remorques, 500 000 watts d'électricité, 80 choristes, 6 écrans géants, 1300 policiers. Une fois de plus, Johnny Hallyday ne fait pas les choses à moitié. Après le Stade de France en septembre 98, la star incontestée du rock français se lance dans son plus grand concert, un véritable show à l'américaine, au pied de la Tour Eiffel. Ce concert est un, j'allais dire, est un acte de générosité que Johnny a voulu avoir. Il avait décidé, il voulait depuis longtemps offrir un concert gratuit à l'occasion de l'an 2000. On a réussi à monter ce concert gratuit. On essaye de faire un très très beau show, même si c'est un concert gratuit. Mais c'est pas un défi. C'est un cadeau que Johnny fait aux Parisiens. Au départ, Johnny Hallyday devait chanter sur une scène mobile descendant les Champs-Élysées. Le projet n'a finalement pas abouti. Qu'à cela ne tienne, il se produira pendant 2 heures devant un public qui pourrait compter jusqu'à 800 000 personnes. Au programme, 25 chansons, 25 tubes ponctués de duos avec entre autres les Rita Mitsouko et Jean-Louis Aubert. C'est un challenge en lui, il essaye toujours de bien faire, il essaye que le public soit content, donc que ce soit pour une salle de 2000 personnes comme on va être à l'Olympia à partir du 17 juin, ou que ce soit pour une salle où on aura 1 million de personnes, il étudie son spectacle, il pense son spectacle en fonction justement de l'audience, du lieu, et puis après on essaye que ce soit bien. À 57 ans, ce concert sonne comme une énième consécration pour le chanteur. Alors qu'il vient d'obtenir un disque de diamant pour la première fois de sa carrière, 1 million d'albums vendus de 100%, son dernier titre, Johnny s'offre un méga concert dont lui seul a le secret. Cet été, il retrouvera l'Olympia, la salle qu'il a vue naître. C'était le 20 septembre 1960. À l'époque, certains critiques avaient osé prédire que Johnny ne tiendrait pas au-delà d'une saison. Un extrait de Johnny à Toulouse, c'était le 2 juin 2000. À présent, Johnny prend ses marques sur cette scène installée sur le Champ de Mars. Il révise le concert sous la structure métallique de la Tour Eiffel. C'est-à-dire, là, c'est le soir du village. Hey, Johnny. Hey, man. What's up? Good, man. Yourself? Thank you. La balade est très intéressante. Tu veux en essayer une autre ? J'ai pu voir une perspective de hauteur, de ça. Et j'essaye autre chose. Ouais, allez, mais exemple. Viens avec moi, essayer quelque chose. J'avais pas te laisser tout seul avec non, ça. Non. Ah, il est fort. Après, bon, après je rentre. Allah. Il me recasse, après je reviens, donc c'est la dernière fois, vous savez, c'est quoi ? Deux fois, trois fois. C'est ça. Donc c'est celle avant ? C'est celle avant, une fois, deux fois, trois fois. Il y a une normale, je m'en vais, je reviens. C'est celle-là. Et là, c'est celle-là. Après, tu repars ? Je repars, et après je reviens, et c'est les 1, 2, 3, 4. Là, c'est Pierre Réglage sur le titre Aimer Vivre. Définitivement. Comme tu peux partir loin. Eric Bamy et Bernard Schmitt qui révisent à leur façon Aimer Vivre. Je veux te voir tout et te voir te lever. Alors, mon petit Stéphane, sorti du Jura, sorti de la tanière. Depuis 8 jours, la Tour Eiffel a pris des allures de chantier. 60 semi-remorques ont investi l'esplanade du Champ de Mars pour transporter la scène du concert de Johnny Hallyday, qui le suivra durant toute sa tournée. Jour et nuit, 800 personnes travaillent sans relâche sur le site. Demain à 20h, tout doit être prêt. Pour Jean-Claude Camus, le producteur, le compte à rebours est lancé. Le plus dur, gérer le chanteur. L'artiste veut tellement bien faire que d'un coup de fil sur l'autre, il nous change tout. C'est-à-dire je veux faire cette chanson, je veux plus celle-là, je veux, etc. Évidemment, tout ça va dans le bon sens, mais j'ai mon metteur en scène qui a une dépression nerveuse. Un véritable casse-tête, puisque tout changement de chanson implique un changement de mise en scène et d'éclairage. Chaque chanson a en effet sa lumière qui bouge en rythme. Éclairage de la scène et du public oblige, des centaines de kilomètres de câbles ont été nécessaires pour alimenter les colonnes disposées tout le long du site. Un éclairage qui suffirait à un village de 1500 personnes durant 24 heures. Bon, on a la scène qui, elle, bon, reste quand même une énorme, énorme scène, hein. Mais surtout le site, vous voyez, les tours sont distantes à peu près de 20-30 mètres entre chaque tour. Et donc, c'est ces distances de câbles répétées, puisqu'on est jusqu'à l'école militaire, quoi. Allié à la lumière, les effets pyrotechniques gérés par Claude Devernois. Depuis 3 mois, lui et son équipe fabriquent une poudre spéciale pour les fusées. La plupart seront disposées sur la Tour Eiffel. Les fusées lâchées demain soir sont l'équivalent de celles de Paris un soir de 14 juillet. Côté coordination, 7 hommes. Le réalisateur Gérard Pulicino, déjà présent pour le concert du Stade de France. Pour l'assister, 2 cars régie, 22 caméras, 3 grues et 6 autres caméras qui renverront les images sur 4 écrans géants. Un seul véritable défi pour Gérard, que la mayonnaise prenne. Le plus dur à faire dans un concert, c'est de rendre la chaleur et l'ambiance et l'atmosphère d'un show. Quand on est sur place, on ressent des tas d'émotions. Mais en télé, c'est toujours un petit peu froid. Donc il va falloir essayer de rendre le show le plus télévisuellement chaud. Hier soir, seule notre caméra a eu la chance de filmer les répétitions de la star et de ceux qui seront là demain en duo avec lui. Entre autres, Florent Pagny et la jeune Sonia Lassen. Mais sur scène également, Lerita Mitsuko. Pascal Obispo, lui, ne chantera que le 15 juin à Sceaux. Ce soir, il est là en ami pour soutenir le chanteur. Tout est désormais en place pour le jour J. Demain, un seul conseil, pour venir, prenez le métro, car dès 10h, tout le quartier sera bouclé par 2000 policiers. Le roi, lui aussi, est prêt, en pleine forme, après 6 mois de préparation à Los Angeles. Hier, il a découvert le site, bourré de trac tout de même, face à ce nouveau défi. On le plus en plus dans le trac, quoi, c'est terrifiant. Quoi. Je me dis, courage, fouillons, prenons un avion et partons. Pas question, Johnny. Depuis 10 jours, 700 personnes s'activent pour installer la scène de 50 mètres sur 20, une sonorisation de 500 000 watts. Demain, 130 secouristes, 1300 policiers, CRS et gendarmes seront à pied d'œuvre pour accueillir le million de spectateurs attendus. Seule incertitude, la météo. Il faut qu'il fasse beau, il fera beau. J'y crois dur comme fer. Et puis cette fois-ci, nous avons quand même prévu le coup. Au cas, nous avons couvert la scène de façon à ce que les instruments ne soient pas mouillés et qu'on puisse jouer surtout. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, la fête aura lieu. Comme en témoigne cette ultime répétition hier soir, demain, Johnny mettra le feu à la Tour Eiffel. Et c'est à bord de son Hummer que Johnny se rend sur les lieux du concert le 8 juin et le 10 juin. Sans folie, il n'y a pas de repère. T'es coincé ou t'es coincé le képi tout là. Vous l'avez pas vu de face. Non. Wow. avec la notoriété publique, j'ai besoin de quelque chose comme ça qui fasse un peu peur. Sans folie, il n'y a pas de repère. Tu voulais arriver discrètement. Dans le retour. Bon, la météo s'améliore pour ça. Il va faire un orage épouvantable demain. C'est un peu un cadeau que je fais à tous les Français, pour leur... surtout pour les remercier. La flamme tue, la flamme tue, c'est trop beau pour le croire, et pourtant, on l'a fait. L'heure H arrive à grands pas à présent et Johnny offre une dernière interview au journal télévisé de TF1, au journal de 20h de TF1. Johnny Hallyday, bonsoir, merci de nous recevoir à quelques minutes du début de votre spectacle. Vous disiez hier à Brigitte Cantor que votre trac était grand et que vous aviez envie de reprendre l'avion. C'est toujours vrai là, à l'heure où on parle? Oh, c'est vrai que au cours d'un grand événement comme ça, parce que pour moi c'est un grand événement de faire la Tour Eiffel. D'abord parce que la Tour Eiffel, ça représente Paris, la grande dame de fer. Et puis c'est la possibilité pour moi de faire un spectacle gratuit pour mon public que j'aime et qui me le rend bien. Je sais qu'ils sont déjà un million sur place maintenant. Il paraît qu'ils arrivent encore par 50 000, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se mettre. Mais bah, en tout cas, bon, c'est vrai qu'on a toujours un peu le trac. Alors, Johnny, on voit effectivement quelques images de cette foule immense. Vous allez leur offrir quelle chanson pour commencer le spectacle? Eh bien, la dernière fois que j'ai fait le Stade de France, j'ai fini par allumer le feu. Cette fois-ci, je vais commencer par allumer le feu. Puis alors, il y aura aussi quelques surprises. On parle des girls du Crazy Horse à un moment du spectacle. Oui, il y a les filles du Crazy, les danseuses du Crazy Horse Saloon, oui. Et Jean-Louis Aubert, Lerita Mitsuko. Florent Pagny a gentiment accepté de venir sur ce spectacle et de chanter avec moi. La petite Sonia Lassen, que j'aime beaucoup, dont je suis le parrain, va chanter avec moi Vivre pour le meilleur. Et puis, bah, c'est surtout une grande fête ce soir, il faut le prendre comme ça. C'est vrai que malgré tout, on a quand même le trac. Hein. Bon, parce que je veux tellement que ce soit bien, je veux tellement que les gens soient heureux, que quelque part, ça finit par vous donner le stress. Quoi. Puis Johnny, on se souvient du Stade de France et du premier concert malheureusement annulé à cause de la pluie. Là, il semble qu'il fasse à peu près beau. Vous avez tout prévu de toute façon? Le concert aura lieu. Écoutez, cette fois-ci, en ce qui concerne les musiciens, le matériel, même s'il pleuvait, ce qui ne sera pas le cas, on avait prévu de tout couvrir pour qu'on puisse continuer le concert. Maintenant, bon, c'est mieux s'il pleut pas, parce que les pauvres gens qui sont là, j'espère pour eux qu'il fera beau jusqu'au bout et qu'ils ne soient pas trempés, quoi. Il faut que la fête soit belle jusqu'au bout. Eh ben, on l'espère avec vous. Merci beaucoup, Johnny. Bon concert. On vous retrouve donc dans quelques minutes en direct sur TF1. Et la fête sera belle ce soir-là. C'était le 10 juin 2000. Je vous rappelle que ce 15 juin, l'année du jour d'anniversaire de Johnny Hallyday, sera retransmis dans les salles de cinéma, dans plus de 300 salles de cinéma, ce concert. Le concert de la Tour Eiffel pour une date unique à partir de 20h. Et le son et l'image seront restaurés. Nous fêtons là les 25 ans de ce concert, Johnny à la Tour Eiffel. Oui, derrière. Non, ce n'est pas le nouveau mixage de ce concert de la Tour Eiffel. C'est le concert sorti en 2000, qu'on entend le mixage 2000. On l'écoutera au mois de juillet, courant juillet, on écoutera ce nouveau mixage. Johnny Aubert, sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny 2AZ, fils de personne. Ce soir dans l'émission Johnny 2AZ, on revisite cette tournée 2000 avec les grands moments comme Toulouse, comme le stade de... la Tour Eiffel, le Parc de Sceaux ainsi que l'Olympia. Et on fera un petit détour par quelques stades également et des répétitions à l'Olympia. Voici le titre Derrière l'amour, Johnny est toujours à la Tour Eiffel. C'était le 10 juin 2000.

Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, tu sais ça, hein? Oui, et que je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour. Pour sentir les peines et les espoirs, pour sentir Dieu. Florent Pagny à la Tour Eiffel. C'est un vrai petit génie de la guitare. Il a seulement 14 ans. Il joue comme beaucoup voudraient jouer. Il s'appelle Nofel. Le 15 juin 2000, Johnny fête son anniversaire, ses 57 ans, avec des invités qui se succéderont sur la scène érigée dans le parc de Sceaux. Michel Sardou, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Laurent Gérard et Paul Personne. Il n'y aura pas de duo, non ? Ce sera uniquement Johnny en duo. En solo, je veux dire, en solo. Yeah. bonheur que tu es là et tu cherches déjà une fille. Mais tu sais, non, ça ne marche pas. Elle préfère ce qui brille. Que toi. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ah, la ville est bien pire que toi. Ah, non. Oui. Tout seul, au coin de la rue, tu regardes la taxi girl. Pour ces merveilleuses lumières. Merci Jacques. Également, j'aimerais remercier Jean-Pierre Jagnot pour le son. Pour le son que vous entendez. C'est grâce à lui que vous nous entendez ce soir. Merci Jean-Pierre. J'aimerais également que vous applaudissiez très fort public ce soir. Vous êtes formidable. Au guitare, Robin Le Mesurier. Et Brian Ray. À la basse, Reggie Hamilton. Au clavier, Tim Moore et Tom Kelly. En fait, Mr. Harry Kim. Ça sonne cubain, tout ça. Et un saxophone, Ray Herman. Et tous les quatre font partie du groupe Les Band Streeters. Ah! Les sexy, sexy, sexy ladies sont Jessica. Américain mais originaire de Cuba, Wilfredo Reyes Jr. Et toujours avec moi depuis maintenant, oh là là, je ne sais plus, ça fait trop longtemps, mais il est là, Eric Bami. Au parc de Sceaux, il fêtait ses 57 ans. Dites-moi maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que vous faites tous dans mon salon, hein? On peut plus être tranquille, ça s'amuse. Non, j'aurais vous dire que merci. Merci du fond du cœur. Merci à tous mes amis, artistes également. C'est un bel anniversaire pour moi. Et ça a été possible grâce à vous. Et je vous aime très fort. Vraiment du fond du cœur, c'est vrai. Merci. J'aimerais vous dire que les arrangements sont de mon ami Yvan Cassard. Et puis j'aimerais vous entendre applaudir très fort les jolies jeunes filles qui jouent les cordes, les violons, les violoncelles ce soir avec nous sur scène. Pas de répit pour l'idole. Le lendemain de son anniversaire, le 16 juin, c'est la dernière répétition à l'Olympia où Johnny chantera du 17 juin jusqu'au 25 août. On va écouter deux titres en répétition. Ce seront les titres Nashville Blues et À propos de mon père. Son répète, c'était rajouté ça, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Need touchez pas, ou qui ne le connaissent pas. Il n'y a qu'en moi qui l'ai vécu. Ce père que je n'ai jamais eu, il est parti. Il dort pour une longue nuit. J'imaginerai tout le reste et j'imaginerai sa vie. Il était premier secret, et je disais qu'il existait, et j'ai menti tant que j'ai pu. Oui, pour ce père que je n'ai pas eu, pour ce père que je n'ai pas eu, oh, pour ce père que je n'ai pas eu. À présent, nous allons passer un petit reportage télévisé sur Johnny Hallyday et l'Olympia. Le récital donne des cauchemars à la police française. C'était en 1961. Pour la première fois, le nom de Johnny Hallyday brillait sur le fronton de l'Olympia. Les gens m'appellent l'idole de Johnny. Ils n'en aient même qui m'ont. Faut dire la vérité, je chantais pas terrible quand j'avais 16 ans. C'est vrai que je chante mieux maintenant. Pardon, je viens vous demander. C'est vrai. Après 40 ans de concerts de plus en plus gigantesques, ce n'est plus l'idole des jeunes, mais un monument de la chanson française qui a répété cette nuit sur cette scène mythique où Bruno Coquatrix l'avait fait débuter. À la fin du spectacle, quand le rideau se fermait, il vous prenait dans ses bras et vous disait « Bravo mon petit, t'as été formidable ». Et des fois, il oubliait qu'il avait un cigare, alors il vous brûlait un petit peu la joue. Mais bon, c'est pas grave, il y avait de la chaleur chez lui. C'est vrai qu'il va beaucoup nous manquer, enfin moi il va beaucoup me manquer cette fois-ci. À 57 ans, c'est un peu comme si le rocker retournait chez lui, prêt à tout recommencer. Le 17 juin 2000, Johnny salue ses amis artistes venus l'applaudir pour la première à l'Olympia juste avant d'entamer Gabriel. Je peux avoir un peu de lumière. Tout simplement avant que maintenant je vais vous parler d'une fille. Ah ouais, je vais vous parler d'une fille. Une fille que vous connaissez bien. Vous voyez qui je veux dire, non? Alors simplement, dites-moi son nom. Son nom? Laetitia, tu brûles de mon esprit, ton amour est en ma vie. Et l'enfer, la vie comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque fois. Mais je peux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et attendre la vie. Un jour viendra, tu me diras je t'aime. Du bout des yeux, mélodie quand même. Dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire. Un jour viendra, tu m'aimeras. Toi, c'est la vie qui t'a envoyé vers moi, qui n'ai jamais fait que passer à côté des choses essentielles. Par des filles pour brûler mes ailes. Un jour viendra, tu me diras je t'aime et j'aimerai. Laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimerai. La tournée 100% à l'idée 2000 passe par Bruxelles, Nancy, Lausanne, Marseille, Lyon, Vichy, Objat pendant le mois de juillet et Montréal le 29, 30 et 31 août. Cette fois-ci, nous sommes à Marseille. C'était le 16 juillet 2000. Johnny de A à Z sur RIG avec ce soir la tournée 2000. On la revisite, on la revisite. m'a fait tellement, tellement d'amour. Tellement d'amour. Jusqu'à épuiser nos corps. Ouais, jusqu'à épuiser nos corps. Et jusqu'à embriser nos corps. Et moi je voudrais te faire crier. Ouais, te faire mourir encore. Je voudrais te dire que j'aime. À présent l'Olympia, le 25 juillet 2000 avec ce titre Diego, libre dans sa tête. On revisite cette tournée 2000 avec différentes dates, différents concerts, différents lieux, différents stades. Notamment la Tour Eiffel, n'oubliez pas, ce dimanche 15 juin à partir de 20h, vous pourrez retrouver le concert remixé, masterisé de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel. Derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors il fait chaud et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, sans.

ou très rarement chanter avec mes amis. C'est mon grand plaisir ce soir de l'avoir avec nous. C'est ici. Vraiment toi qui m'a donné envie de remonter sur scène après toutes ces années. Merci Johnny. Merci. Je t'aime. Merci. Moi aussi. Au revoir. La tournée 2000 de John Hallyday passée le 30 juillet 2000 par Obja, petite ville de 3500 habitants en Corrèze. Les gens rêvaient, Johnny l'a fait après le Stade de France, après la Tour Eiffel et après l'Olympia. Johnny Hallyday était hier soir en concert à Obja. Obja, c'est un petit village de Corrèze de 3500 habitants dont la population, le temps d'un solo de guitare électrique, est passée à 15 000. C'est l'obstination des responsables du comité des fêtes qui a convaincu le rocker de se produire sur le terrain de rugby. Jérôme Sesquin et David Bresse. Un petit village de Corrèze dans la torpeur du rock'n'roll. Les 3500 habitants d'Obja s'étaient lancés un pari de fou, faire venir Johnny Hallyday chez eux. Hier, près de 18 000 fans sont venus transformant pour un jour la petite commune en cité Hallyday. Dans la région, on afflue, même si certains ont du mal à y croire. Quand on voit une star passer à Paris, après dans un village 3000 habitants, c'est bizarre. C'est formidable pour le pays, pour tout le monde. Et le Johnny, c'est une bête de scène, c'est du tonnerre. Les moyens sont les mêmes que ceux déployés pour toute la tournée. Mais à Obja, les objectifs étaient plus modestes. Du coup, il a fallu convaincre la production. Et pour cela, ce sont toutes les associations du village qui se sont mobilisés. Mais c'est sûr que tout est difficile, mais quand on le veut, on le peut, on se donne les moyens, la disponibilité. C'est vrai que depuis 8 mois, on ne pense qu'à ça, on ne fait que ça. Et en plus, le soleil est de la partie, ça veut dire que après on oublie toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et quand Johnny entre en scène, chacun oublie qu'habituellement ce sont les matchs de rugby auxquels on assiste ici. La magie du spectacle peut enfin commencer. Trois heures de rock'n'roll pour faire vibrer tout un village. Dans chaque rue, la musique résonne et fait danser, y compris ceux qui ont préféré les places au balcon pour immortaliser l'événement. Non, je ne veux plus d'ennui, oh non. Ça vaut le coup, sauver notre amour, rien que pour nous. Et Angelina Nonier, ancienne choriste de John Hallyday, se souvient. Est-ce que tu te souviens du concert de Obja en Corrèze? Ah oui, celui qui s'était passé à l'extérieur. Ouais. Le gars. Ah bah oui, mais oui, mais oui. Oh, c'était génial ça aussi. On avait fait de longues heures de bus. Ouais. Et en fait, c'était un peu inhabituel. Un mec avait eu le cran de dire je vais faire un concert de Johnny Hallyday, et il avait tout organisé. On était en pleine campagne au milieu des champs. Ouais. Et le gars avait fait, il avait produit ça et ça avait fait un tollé. C'était plein, c'était génial. Ouais, on était au milieu des bottes de paille, tout ça. Non, mais je dis ça, péjoratif, non, mais c'est amusant. C'était un autre décor, quoi, tu vois. Et voilà, enfin, tu sais, ça fait toujours partie de c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans le métier qu'on fait, les artistes, c'est que tu peux descendre dans un 5 étoiles, oui. Tu peux te retrouver à l'Olympia, à la Tour Eiffel ou au Stade de France, et puis tu peux te retrouver dans un champ. Voilà. Et on fait toujours de la musique, et c'est toujours rassembleur. Et les gens étaient enthousiastes, et c'était génial, quoi. C'était génial. Et je trouve que c'est fantastique d'avoir l'audace de faire ce que ce monsieur a fait quand il a mis ce concert en place. Ben oui, oui, oui. Et toujours pareil, Camus, bravo, chapeau, tu vois, d'avoir dit ok, on y va, on le fait, j'ai confiance et paf. Il y avait des duos hein, lors de ce concert à l'Olympia, de ces concerts à Compia et aussi dans les stades. Il y avait Patrick Bruel, Patricia Cass, Muriel Robin, Eddie Mitchell, Catherine Lara et aussi Paul Persson.

Well, it's one for the money, two for the show. But when you get a ready now, go cat, go, but I'm you. Some of my blues with you. Well, you can do the thing, but I'm my blues with you. When you can knock me down, step on my face, my name all over the place. Do the thing, that's what I do.

Où que vous soyez, au bout du monde, ou pas très loin d'ici, quelque part, moi je vous aime. À bientôt. Et suite à l'Olympia, Junaïd descend le volet pour Montréal pour trois dates, le 29, le 30 et le 31 août. C'est cette émission spéciale tournée 2000 Junaïd Hallyday. Et n'oubliez pas d'aller voir ce concert à la Tour Eiffel pour une date unique et une représentation unique dans les salles de cinéma, dans plus de 300 salles de cinéma. Nous en trouverons une à proximité de chez vous. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Bonne soirée et bonne séance de cinéma. À bientôt toutes et à tous. Ciao, ciao.